maintenant on va mettre un disque et vous me changez toute la liste. Merci. Maintenant j'en ai marre. Non mais là j'en ai marre. J'ai compris. C'est l'air pas bon. Là j'en ai ras-le-bol. Il ne lave rien, ne nettoie rien, ne passe pas l'aspirateur. Il se fiche de tout ça. C'est le type le plus crade de toute la planète. Merci pour le double son. Fildar, s'il te plaît, tu vas commencer à caler. Ne fous pas de ma gueule, Fildar. Ne fous pas de ma gueule, Fildar. Ne fous pas de ma gueule. Bon, ça commence déjà au deuxième, à la troisième question, on commence déjà à perdre le double son. Ça commence à m'énerver. Non, Fildar, Fildar, s'il te plaît. Dans le téléphone, j'ai une grosse truie qui glousse derrière toi. Ah, une grosse truie. Alors, je vais te dire une chose, Sandy, à ton herbe. Alors, t'es gueule, tes statistiques, tu vas te faire enculer. Tu dégages. Allez, hop, bonne nuit. Hop, tu dégages. On veut pas de toi. Hop, c'est bon. C'est bon, là, tu peux me le retirer. On s'en fout de savoir si je suis une bête ou autre. Je vais mettre les points sur les îles, Mars sur l'été. Hé, Max, je voudrais que tu prépares un gâteau d'anniversaire. Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule maintenant. I like my eyes. Then I tout. C'est vraiment une pétasse. Déjà, une. Vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule maintenant. Ouais, mais c'est pas des conneries, là. Ouais, c'est des conneries que vous êtes en train de nous dire. Bleh. Oh. Ne t'inquiète pas, vous les avez foirés. Bon, j'en ai marre.